Panthéon, mon fidèle monoko, Katuni ma voisine, ma cabelinga lissolo. alinga isaila na kamwe na kabola mo balinga na yo ozali mwana ya mama ya leki saila sonio saila leki na ngai yeye saila a mama Yo confiance na misoko kangamae na ndimite o saila o saranga iboye o baby si famille oyo saila saila o saila lekinangai yeye saila a mama saila o saila lekinangai sonyo saila a mama Kamboya sika na libota oyo Bakoko na se ya maita basali likita Mwana mokelo kona yo Saila Oboti oyo ebakata ya likambo lekinanga ye Yeye Saila a mama Saila Saila lekinanga Sonyo Saila a mama Se mi kwa, bolingo na komi kokondo, anga na lala kaya. cause de l'argent, on peut tuer sa mère. À cause de l'argent, on oublie la famille. À cause de l'argent, on oublie les amitiés. Ambongo, Daniel Salambongo. À l'argent, qui a créé l'argent. Ambongo, Daniel Salambongo. À l'argent, qui a créé l'argent. Judas a trahi Jésus à cause de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré. Si tu veux te marier, il te faut de l'argent. Même pour manger, il te faut beaucoup d'argent. Ambongo, Daniel Salambongo. À l'argent, il y a de l'argent. Ambongo, Daniel Salambongo. À l'argent, il y a de l'argent. L'argent, mes amis, on ne le prête aux riches. Quand tu as beaucoup d'argent, tout le monde se soumet. Quand tu as beaucoup d'argent, tout le monde est ton ami. Quand tu n'en as plus, tout le monde te tourne le dos. Ambongo, Daniel Salambongo. À l'argent, qui a créé l'argent. Jalousie, jalousie, l'argent provoque souvent la convoitise, convoitise.

ce n'est pas ton beau visage, ta démarche, ton sourire, ton regard trouble mon cœur. J'ai laissé ma porte ouverte, tu peux venir quand tu veux, Madine. Tu es la seule qui soit capable de faire de nous deux un couple heureux. Madine, je t'aime plus que mon âme, tu m'as séduit par ton beau visage, ta démarche, ton sourire, ton regard trouble mon cœur. Je t'ai gardé en beau cadeau, un bijou en diamant, c'est la base de nos fiançailles, surtout ne la perds pas mon amour. Madine, je t'aime plus.